Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, Gaëtan Gosselin au microphone. La Croche-Oreille, c'est l'émission qui sillonne l'univers des arts sonores, ces arts du son qui prennent des formes multiples et dont les sources d'inspiration sont évidemment très variées. Il y a des environnements ou encore des objets qui exercent de tout temps, je dirais, de la fascination chez les artistes sonores. Le vent, la foudre, le ruissellement de l'eau, la voix humaine, évidemment, les cloches d'église et de beffroi, et bon, j'en passe. À chacun de ces objets sonores, on pourrait même y associer des noms d'artistes ou de musiciens réputés qui parcourent le 20e siècle, entre autres. On pense à Messiaen pour les oiseaux, à Varèse pour les sirènes, à Schaeffer pour les trains, à Francisco Lopez pour la forêt. Cela dit, parmi tous ces objets sonores qui fascinent les artistes, il en est un qui est grandiose par son volume, sa fonction et sa structure. Et j'ai nommé le pont. Le pont dont la présence dans le champ de l'art est récurrente, en peinture, en photographie, je pense entre autres à Stieglitz, Alfred Stieglitz, dans la littérature évidemment, au cinéma, les amants du pont Neuf, le pont de la rivière Kouai. Pour les artistes sonores, le pont s'avère un ouvrage d'architecture fascinant parce que ses fonctions et ces matériaux, le métal, la pierre, le bois, ces matériaux en font un lieu de transit et ou de transmission, un dispositif de captation des ondes et un corps de résonance assez extraordinaire, un peu comme le fait une corde tendue entre ciel et terre. Alors voilà, je vous propose donc ce soir que l'on s'aventure dans le réel et l'imaginaire sonore induit par le pont à travers le travail de quelques artistes contemporains qui en ont fait leur objet et le projet de leur recherche. Et je débute ça avec des artistes qui ont exploré l'environnement sonore des ponts par le biais de captations en direct, des artistes qui nous donnent à écouter des amalgames de bruits, de résonances métalliques, de voix humaines, de passages routiers et d'activités environnant les ponts. Et je lance ça avec une création réalisée par un artiste estonien du nom de Vlad Kon. Simplement dit, il s'agit d'un extrait d'une captation à partir d'un sentier situé sous un pont reliant Tartu à Tallinn en Estonie. Alors on écoute ça. des Oscars qui bougent. Dans le même esprit que le travail de l'Estonien Vladkon, l'artiste polonais Bartosz Turkiewicz s'est intéressé au pont métallique qui relie les deux rives de Cracovie, séparées par la Vistule, à partir d'enregistrements allant du pont Kotlarski, le plus à l'est, au pont Debniki, le plus à l'ouest. Il y a, dit-il, et là j'ouvre les guillemets, une qualité surréaliste dans le son qui est créé en dessous, alors que les voitures et les tramways passent au-dessus de nous et que le métal grince et crie, tout cela étant piégé comme dans une boîte à écho entre le béton et l'eau. L'espace sous les ponts, culturellement associé à la pauvreté ou au rejet de la société, sert ici de portail vers une autre sphère sonore. Je referme les guillemets. On écoute une pièce intitulée « Kotiaski ». C'est tiré de l'album intitulé « Metal Underbelly » de l'artiste Bartosz Turkiewicz. vient d'entendre Bartosz Sturgiewicz. Une artiste du Royaume-Uni, Kate Carr, s'est intéressée, elle aussi, au pont. J'ai déjà présenté son travail dans le cadre de l'émission. C'est une passionnée du field recording. Elle explore depuis plusieurs années les manières dont nous façonnons et sommes façonnés par les réalités sonores. Elle a mené un projet autour des ponts et de ses environnements, projet intitulé City of Bridge, réalisé dans le cadre d'une résidence d'artiste à Saskatoon, ici au Canada. Je vous raconte, en résidence là-bas en 2018, elle découvre qu'on appelait Saskatoon la ville des ponts. Elle a donc enregistré l'environnement sonore de nombreux ponts, des bruits de la rue, le son de la rivière Saskatchewan Sud, les gens qui s'agitent tout autour, qui parlent, jouent de la musique dans des cafés, tout cela combiné à des enregistrements de cordes, de bandes magnétiques et j'en passe. Kate Carr rappelle dans le texte d'accompagnement de ce projet toute l'importance qu'elle accorde à l'écoute des sonorités. Alors, on écoute un extrait de City of Bridge. Alors, on vient d'entendre Kate Carr, un extrait d'un projet intitulé City of Bridge, réalisé dans la ville de Saskatoon. Avec Kate Carr, on complète le volet, je dirais, dédié aux créations tirées d'environnements sonores sur le terrain, des créations sonores tirées de field recording. D'autres artistes ont plutôt choisi, eux, d'ausculter la structure matérielle du pont, afin d'en extraire une matière sonore destinée à la création d'œuvres in situ, ou bien des œuvres performatives, conceptuelles, ou souvent réflexives. C'est ce qu'on peut saisir du magnifique travail des artistes Béchard-Hudon, un duo d'artistes multidisciplinaires qui œuvrent dans l'univers des arts contemporains depuis une vingtaine d'années. Catherine et Sabin sont fascinés depuis longtemps par le potentiel acoustique des objets et des contextes issus de la vie quotidienne. Ils ont réalisé de nombreux projets installatifs, des parcours sonores, et se sont intéressés aux sonorités des ponts. Et oui, au fin d'une installation intitulée « La singularité du banal », une œuvre de 2018, Catherine Béchard et Sabin Hudon ont capté, on pourrait dire extrait, la matière sonore d'infrastructures routières. J'ouvre les guillemets, « La singularité du banal », raconte Béchard-Hudon, « explore le langage sonore imperceptible, fugitif et aléatoire de ces espaces intermédiaires que sont les ponts, les tunnels et les échangeurs routiers. C'est à l'aide de micro-contacts placés sur leur structure que nous avons enregistré les vibrations inaudibles induites par le déplacement des voitures, notamment. » Je referme les guillemets. Je vous propose qu'on écoute des extraits de ces captations réalisées sur le pont de l'île d'Orléans, dans la région de Québec, sur le pont de Québec, mythique pont, et captation aussi de l'impressionnant Tracel de Cap-Rouge, pour ceux qui connaissent le Tracel de la région de Québec. Alors, on écoute des extraits de ces captations réalisées par Catherine Béchard-Sabin-Hudon. Thank you. Je vous propose maintenant qu'on écoute le travail sonore de l'artiste australienne Jodie Rose, qui s'amuse, oui c'est le bon terme, à enregistrer et à transformer les vibrations de ponts du monde entier. Elle fait ça depuis 2002. Aux fins de concerts et d'installations ayant pour thème « Singing Bridge », le pont chantant, Jodie Rose a enregistré son premier projet à partir des câbles du pont Anzac de Sydney, Australie. Elle a fait ça en 1995, alors qu'il était encore en construction, ce pont. Elle rêvait déjà de créer une Global Bridge Symphony. Elle dit de son travail qu'il est un processus continu de réponse aux spécificités de la structure et de l'emplacement de chaque pont. Rose adopte une philosophie de l'art in situ, travaillant en tant collaboration avec des artistes, des chercheurs, des ingénieurs et des architectes, souvent sur les lieux même de la captation sonore. Jodie Rose aime parler de ponts chantants et vibrants qui racontent la vie et l'histoire de ces fabuleuses structures. Jodie Rose vit et travaille à Berlin depuis 2007. Alors, on écoute une pièce tirée des Singing Bridge captée depuis le Millennium Bridge à Londres, un pont à l'usage des piétons. On écoute ça. Jodie Rose, projet intitulé Millennium Bridge, of London. Alors voilà, ça complète la première demi de l'émission. Restez des nôtres. On poursuit ça après un très bref battement en promo. CKRL 89.1, 50 ans de culture. Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors, bonsoir, c'est La Croche-Oreille qui se poursuit jusqu'à 22h sur les ondes CKRL. Il va sans dire la radio qui aime le son. Je vous propose ce soir une émission qui s'intéresse à la fascination des artistes pour certains environnements, certaines matières sonores. Et parmi tous ces objets sonores qui fascinent les artistes, il en est un qui est grandiose de par son volume. Le pont. Le pont dont la présence est récurrente et d'actualité dans le champ de l'art et des littératures, on va dire ça comme ça. Je pense entre autres au magnifique roman de Mélisse de Kerendal qui s'intitule « Naissance d'un pont » ou encore à celui de Mathias Hénard « Parlez-leur de bataille, de roi et d'éléphant ». Pour ceux qui l'ont lu, très belle histoire, là encore, qui tourne autour d'un projet de pont. Je vous propose donc ce soir une balade dans l'imaginaire sonore de quelques artistes inspirés par le pont. Et pour cette seconde demi d'émission, on va mettre en lumière ces projets qui s'en inspirent et qui cherchent à en détourner les fonctions ou encore les attributs en les utilisant comme dispositifs sonores, substrat à une installation ou encore littéralement comme instrument de musique. C'est dans cette foulée que je vous présente le projet de Bill Fontana intitulé Harmonic Bridge. Bill Fontana, c'est un Américain né à Cleveland en 1945. C'est un pionnier de la sculpture sonore. Il travaille depuis de très nombreuses années à la création d'installations qui utilisent le son comme matière susceptible de transformer nos perceptions ou encore d'interagir avec elles. Ces nombreuses sculptures et installations ont été placées dans des espaces publics, dont ce projet intitulé Harmonic Bridge, réalisé en 2006 en collaboration avec la Tate Gallery de Londres. Harmonic Bridge révèle la musicalité des sons cachés dans la structure du Millennium Bridge, une passerelle suspendu entre St. Paul Street et la Tate Modern. Il s'agit d'un dispositif de capteur sonore qui est animé par les vibrations générées par l'énergie collective des piétons qui enjambent le pont et les conditions météo notamment. Cet environnement sonore, habituellement inaudible, est capté par un dispositif de mapping sonore qui est relayé dans le hall d'une station de métro. Alors voilà, je résume le projet en tant que tel d'une belle complexité. Je vous propose donc l'écoute d'un extrait qui donne une idée des sonorités qui sont, cela dit, en perpétuel changement au fur et à mesure que les gens se déplacent sur cette passerelle. Alors, on écoute un extrait de cette œuvre de Bill Fontana intitulée « Harmonic Bridge ». Thank you. Bill Fontana, Harmonic Bridge. Le regretté Max Newhouse, artiste sonore réputé, s'est aussi intéressé à l'univers des ponts, promoteur de l'installation sonore dans l'espace public. Max Newhouse a joué un rôle décisif dans le développement de l'intérêt pour l'écoute des sons dans nos environnements. Son projet, qu'on peut qualifier de visionnaire, intitulé Listen, qu'il réalise en 1966, va marquer l'histoire des arts sonores et de l'écoute, probablement dit. Je vous présente, cela dit, un projet intitulé Suspended Soundline, projet réalisé en 1990, fruit d'une commande visant à intégrer une œuvre sonore à la construction d'un pont reliant des bâtiments de l'école Gibb de Berne en Suisse. Newhouse réalise donc en 1999 la Suspended Soundline, un dispositif de haut-parleurs caché dans le corps du pont qui joue en continu deux accords très doux disposés en séquences alternées. La vitesse à laquelle les gens traversent le pont détermine le changement du son perçu. Je vous fais donc entendre un extrait sonore de cette installation, un extrait réalisé par l'artiste Tobias Reber. Alors, on écoute ça. C'était un extrait de cet environnement sonore créé par Max Newhouse, une captation de Tobias Ribba. Helen Southern est une artiste visuelle, une chanteuse et une performeuse basée à Bristol au Royaume-Uni qui explore depuis quelques années le potentiel sonore et performatif des ponts. Helen Southern est désormais connue pour un projet de performance intitulé Over the Bridge, dans lequel elle combine la performance vocale à l'environnement réel et inventée aussi du pont. C'est une démarche in situ très intéressante qu'elle a nommée sight singing, qu'on pourrait appeler chant in situ. Sight singing, dit-elle, est une idée que j'ai eue il y a quelques années de prolonger ma pratique du chant solo en chant polyphonique, sachant qu'un ouvrage d'architecture, un pont en l'occurrence, pouvait en lui-même avoir une voix. Des voix, dit-elle. C'est l'esprit qui anime ce projet, sight singing. Je referme les guillemets. Je vous propose qu'on écoute une pièce qui illustre ce travail de voix performé par Helen Southern, une création intitulée Sight Singing in Lockdown, c'est à la mode tout ça, qui a été enregistrée dans un tunnel particulièrement résonnant sous un pont de chemin de fer et qui intègre un enregistrement de rue et un chant de drone qui imite les sons gémissants d'un chantier de construction. Alors, je vous propose qu'on écoute Helen Southern, Sight Singing in Lockdown. Je vous rappelle que vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir et ainsi que le nom des artistes, musiciens, performeurs sonores inspirés par l'architecture, l'environnement et les fonctions social, artistique du pont. Vous les retrouverez sur le site La Croche-Oreille. Vous trouverez ça très facilement sur la toile. Alors voilà, on arrive à la fin de l'émission. Et pour conclure ce soir, je vous propose une création de l'artiste Al Zlogar. C'est un saxophoniste et concepteur sonore qui vit à New York. Cette création fait partie d'un album de trames sonores intitulé Bridge and Highway, qui sera suivi, cette pièce de Zlogar sera suivie d'une composition du saxo-clarinettiste américain Ken Vandermark. C'est tiré d'un album jazz intitulé Nine Ways to Read a Bridge, des créations qui clôturent à merveille ce tour d'horizon artistique inspiré par la nature, la facture et la structure sonore des ponts qui relie rivages, paysages et visages du monde. Alors, on écoute cet enchaînement, Al Zlogar, Bridge and Highway, qui sera suivi de Nine Ways to Read a Bridge de Ken Vandermark. Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur les ondes de CKRL pour une autre aventure sonore. Bonne semaine. Au microphone, Gaëtan Gosselin qui vous salue. Thank you.